إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc الحمد لله on continue notre explication et notre lecture des paroles du Cheikh Ahmed al-Najmi qui réfute يعني رحمه الله les paroles des إخوان المفلسين et يعني on peut constater donc à travers les exemples que le Cheikh nous a donné des attitudes des Ikhwan, yani on peut constater yani toutes sortes de formes de trahison, de mensonge, de corruption, d'égarement, d'injustice de leur part. Et yani donc c'est triste de voir tout ça parce qu'on en constate encore aujourd'hui de plus en plus et non seulement dans les pays musulmans mais également même en Occident de plus en plus. Yani. Donc, c'est devenu grave, il y en a à un point qu'on ne peut pas imaginer. Et donc, le cheikh, il était en train d'expliquer la parole d'un des... En fait, un point qui a rapport avec un des murshidin, des Ikhwan, c'est-à-dire un des chefs, des guides spirituels des Ikhwan, et c'est Mustafa Mashour, si je ne me trompe pas, c'est Mustafa Mashour exactement. Donc, il avait écrit une lettre ou un magazine ou un journal, Al-Hayat. Puis, dans ce magazine-là, il avait expliqué que les musulmans et les chrétiens de l'Égypte étaient égaux dans leurs droits et dans leurs responsabilités, dans leurs obligations. Puis, il a parlé de la jizya. Puis, il a dit que c'était une taxe que les chrétiens devaient payer en échange du service des musulmans qui les défendent lors des guerres et que s'ils se défendaient eux-mêmes donc ça tombait, ils n'avaient plus à la payer. Puis par la suite il y a eu des gens qui ont un comité soi-disant qui ont regardé cette question-là encore une fois puis ils ont réalisé que ils étaient arrivés à une nouvelle compréhension de la question de la jizya et ils ont écrit donc un texte pour envoyer ça à un autre magazine ou un autre journal, Al-Ihram, pour corriger justement leur position qu'ils avaient exprimée la première fois. Donc déjà, comme on avait expliqué la dernière fois, la première fois dans leur première explication, déjà c'était incorrect. L'idée que c'était une taxe en échange de la défense des chrétiens, ainsi de suite, parce qu'ils ne combattent pas ou qu'ils ne défendent pas, c'est déjà ça, c'est une fausse interprétation. Et ils ont corrigé cette fausse interprétation-là par une autre interprétation qui est plus fausse encore. C'est-à-dire qu'ils ont dit que, non, étant donné que les chrétiens coptes sont en Égypte depuis des années, ils font partie de la société, sont des citoyens égaux dans leurs droits et dans leurs obligations. Puis la jizya, c'est juste pour ceux qui combattent les musulmans, c'est pas pour les coptes ou les chrétiens égyptiens, ainsi de suite. Donc bien entendu, c'était une déformation de la réalité, hein, puis une, une forme de mensonge en fait contre le Allah et son messager dans leur attitude. Et puis là, on continue donc à expliquer la réponse du chef Ahmad al-Najmi à ce sujet-là. Il était rendu au point numéro 3 en disant que Mustafa Mashour, il a signé cette feuille-là qui avait été écrite par ces gens-là qui ont revisé la question de la jizya, soi-disant. Puis il était donc, il a signé, puis il a envoyé ça au magazine Al-Ihram, au journal Al-Ihram, pour dire qu'il était d'accord avec ça, et ainsi de suite. Puis il a mentionné aussi que les coptes et les chrétiens coptes de l'Égypte, en passant, les chrétiens coptes de l'Égypte sont parmi les chrétiens qui détestent le plus les musulmans dans le monde. C'est incroyable à quel point ils détestent les musulmans. Et du fait que ils ont vécu avec les musulmans depuis des siècles et des siècles, et ils ont toujours refusé d'accepter l'islam. Bien entendu, certains d'entre eux se convertissent à l'islam, mais reste encore qu'il y a beaucoup d'entre eux qui persistent à rester dans la mécréance et dans l'égarement. Donc, que ce soit les coptes égyptiens ou les maronites du Liban ou d'autres, on retrouve chez ces gens-là une haine contre l'islam et les musulmans qui est incomparable à celle des autres chrétiens ailleurs dans le monde. Et il y en a souvent en Occident, c'est eux qui traduisent les informations de l'arabe au français pour les chrétiens non arabes, et qui en profitent justement pour trahir et mentir dans leur traduction et rajouter des choses parfois même pour faire en sorte que les gens ont plus de haine contre l'islam et les musulmans. Donc c'est un exemple de leur attitude envers les musulmans. Donc malgré tout ça, les chrétiens, les ikhwan, ils disent non, ce sont nos frères, ils sont des citoyens, ils ont des droits égaux, ainsi de suite. Donc le cheikh, il dit, Cheikh Ahmad al-Najmi dit, regardez comment cette personne-là est en train d'opposer les principes de l'islam, de Al-Wala wa Al-Bara, ainsi de suite. Donc, on est arrivé à une partie où le Cheikh, il citait une autre de leurs paroles. Il dit, Waqala, il parle de Mustafa Mashour et de ses paroles encore une fois. Voici ce que Mustafa Mashour a dit. Il dit, Inna abna al-watan muslimin wa masihiyin. هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وعلى وجه الخصوص في تولي الوظائف العامة ومن حق كل مواطن ومواطنة المشاركة في الانتخابات سواء حق التصويت والترشيح وتولي عضوية المجالس النيابية. Donc il dit ici ensuite, et les fils de la nation, musulmans et chrétiens, sont les citoyens égaux dans leurs droits et dans leurs devoirs, et en particulier dans les questions des emplois qui ont rapport avec les fonctions publiques, ok, c'est un droit de tout citoyen de participer aux élections, peu importe que ce soit dans le sens de voter ou dans le sens de se présenter comme candidat pour prendre un poste et devenir un membre du Parlement. Donc c'est comme s'il dit que les chrétiens et les musulmans sont égaux dans toutes ces choses-là. Donc après il واختتم مشهور بيانه قائلا الاخوان المسلمون الذين اكدوا ذلك في ادبياتهم منذ قيام جماعتهم عام 1928 حتى اليوم استنكروا ويستنكرون اي عدوان على فريق من ابناء هذا الوطن او انتقاص لحقوق اي من ابنائه يهمهم أن يؤكدوا هذه الأصول والمعالم المستندة إلى فهمهم للكتاب والسنة والتزامهم لشرع الله عز وجل. Donc il complète son bayan, son texte, en disant à la fin, et les frères musulmans, le groupe des Ikhwan al-Muslimin, confirment hein, que depuis le début de leur formation, de la fondation de leur groupe en 1928, jusqu'à aujourd'hui, ils sont contre et ils dénoncent toute forme d'injustice ou de transgression contre une partie des fils de cette nation, et ou bien le rabaissement, ou bien le fait de manquer à un groupe d'entre les fils de la nation dans leurs droits. Et il faut aussi confirmer que ça c'est nos fondements, ces fondements-là, il faut qu'on les confirme de plus en plus. Puis il dit que c'est des enseignements qui sont tirés de leur compréhension du Coran et de la Sunna et de leur application de la Sharia, de la révélation d'Allah. Donc ils prétendent que leur compréhension et leur attitude par rapport aux coptes égyptiens, ça c'est basé sur la compréhension du Coran et de la Sunna. Donc on va voir maintenant la réponse à ce sujet-là par le Cheikh Ahmed al-Najmi. Le Cheikh il dit: قلت فأي تميع للإسلام أعظم من هذا التميع يرى الإخوان المسلمون أن المسلمين والمسيحيين واليهود سواء متساوون في الحقوق والواجبات إن هذا تضييع لحقوق المسلم وتسوية له بالكافر وهذا يعد اعتداء على الدين يؤدي اعتداء على الدين وأهله وإنكارا وهذا وإنكارا لحقوق المسلمين التي منحهم إياه الله سبحانه وتعالى التي منحهم الله إياها بالإسلام حتى كلمة كافر لا يريد الإخوان أن يقولوها لليهود والنصارى خوفا عليهم من جرح المشاعر وفي البند الثاني من الوفاق الوطني يقولون أنهم لا يشتغلون بتكفير أحد. Voici la parole du Cheikh Ahmed al-Najmi en commentaire par rapport à qu'est-ce que Mustafa Mashhour a dit dans son bayan. Il dit أي تميع للإسلام أعظم من هذا التميع. يعني l'attitude de تميع, c'est l'attitude de vouloir diluer l'islam et la diminuer de sa pureté. يعني donc quelle attitude de تميع est plus grande que cette attitude là, hein, la façon dont cette personne là est en train d'agir et en train de parler par rapport aux chrétiens. Il dit, il voit que les frères musulmans et les chrétiens, les croyants musulmans, les chrétiens et les juifs sont égaux dans leurs droits et dans leurs obligations. Et quand tu dis ça, c'est comme si tu es en train de perdre en réalité les droits du musulman en le mettant égal au kafir. Parce que si tu dis que les musulmans et les non-musulmans sont égaux dans leurs droits et dans leurs obligations, et que tu dis qu'il n'y a aucune différence entre un musulman puis un kafir dans les droits et dans les obligations, ça veut dire que tu enlèves à ton frère musulman de ses droits par rapport à sa religion et à sa foi et à l'islam, parce que tu es en train de le mettre à égalité avec le kafir. Donc ça c'est quelque chose de très grave. Hein, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné aux croyants, par rapport à son frère musulman, des droits et des obligations vis-à-vis de lui en tant que croyant. Et si tu dis que le kafir a ces mêmes droits-là, donc où est-ce qu'elle est la caractéristique du fait que quelqu'un est croyant ou non? Dans ce cas-là, s'ils ont les mêmes droits, tu es en train d'enlever à ton frère musulman de ses droits par rapport au fait qu'il a cru en l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, on voit qu'il a limité la fraternité à la foi et à l'islam seulement. Innama al-mu'minuna ikhwa, c'est les croyants qui sont des frères et non pas les kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit innama al-muslimuna wa al-kafirina wal-kuffar yani ikhwa, innama il a dit innama al-mu'minuna ikhwa, il n'a pas dit innama al-mu'minuna wal-kafiruna ikhwa. Donc les frères, les frères sont les croyants seulement et non pas les kuffar et les juifs et les chrétiens et ainsi de suite. Donc ça c'est pour expliquer un peu plus la parole du Cheikh Ahmad al-Najmi ici. Le Cheikh il dit donc que de rendre le kafir et le musulman à égalité, ça c'est quelque chose qui est une forme d'injustice envers le musulman. Et ça devient, en fait, c'est considéré comme une forme de transgression contre la religion et contre les gens qui suivent l'islam. Hein, contre l'islam et les gens qui suivent l'islam. Et c'est comme si tu es en train de rejeter le droit des musulmans que Allah leur a donné par l'islam. Et le cheikh, il dit un point ici qui est vrai, Yanni, c'est ça, on peut tous le constater. Il dit que même le mot kafir, les ikhwans refusent de le dire par rapport aux juifs et aux chrétiens. Parce qu'ils ont peur de blesser leurs sentiments. Hein, c'est ça ce qu'ils disent. Et ça, on l'a vécu ici, à Montréal et ailleurs également. Partout dans le monde, vous allez voir que les ikhwans refusent qu'un musulman dise le mot kafir en parlant d'un juif et d'un chrétien. Hein? Et ils disent toujours, non, ce sont des gens du livre, tu ne dois pas dire qu'ils sont des kuffars. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il les a appelés kuffars, il les a nommés kuffars. Donc, pourquoi toi tu refuses de les appeler kuffars alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés kuffars? Et, bien entendu, ils essaient de parfois de se détourner de ça en disant non mais si tu veux faire da'wah à des gens tu ne dois pas dire kuffar parce qu'ils ne vont pas vouloir accepter l'islam si tu les traites de kuffar. Premièrement, kuffar c'est de les décrire tels que Allah les a décrits. Deuxièmement, quand on parle à des musulmans et on parle entre nous, on est en train d'expliquer aux musulmans la réalité de l'islam et de la foi et on ne peut pas comprendre une chose sans expliquer également son contraire. Si quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que c'est le kufr, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est l'iman. Si quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que c'est le shirk, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est comme il faut le tawhid. Et donc, si quelqu'un ne sait pas ce que c'est un kafir, il ne peut pas savoir non plus ce que c'est un mu'min. Et donc, sans définir et clarifier les définitions de ces choses-là, eh bien, c'est impossible pour quelqu'un de comprendre l'islam. Et donc, c'est obligatoire, quand on s'adresse aux musulmans, de leur expliquer, de leur dire et d'utiliser les termes et les mots qui sont utilisés par Allah et par son prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de ne pas se gêner de dire kafir à celui qui est kafir, hein, ou mushrik à celui qui est mushrik, et de dire les choses telles qu'elles sont, et pas essayer de tourner en rond par crainte de vouloir blesser les kuffars ou les mushrikines ou les juifs ou les chrétiens. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Est-ce qu'il a cessé d'utiliser le terme mushrik ou kafir quand il s'adressait aux musulmans pour parler des juifs et des chrétiens ou bien des idolâtres de la Mecque par crainte de ne pas vouloir blesser leurs sentiments? Hein? Au contraire, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifie aux musulmans la réalité de qu'est-ce que c'est être un musulman et en même temps qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'oppose à la foi et au tawhid, et il leur explique qu'est-ce que c'est le shirk, il leur explique aussi qu'est-ce que c'est yani le kufr, et il leur dit ceux-là sont des mu'minin et ceux-là sont des kuffar et ceux-là sont des mushrikin, ainsi de suite. Hein? Donc ça c'est quelque chose de fondamental et nécessaire. Maintenant tu vois des musulmans qui grandissent en Occident ou bien même parfois dans les pays musulmans et ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire le mot kafir ou qu'est-ce que ça veut dire le mot mushrik. Et il y en a parmi les musulmans maintenant qui ont grandi en Occident ou même ailleurs, même dans les pays musulmans, ils pensent que kafir c'est un synonyme d'une nationalité ou d'une ethnie. Hein? Parce que, étant donné que pour eux, l'islam, c'est devenu quelque chose de traditionnel, donc ils pensent qu'ils sont musulmans par tradition, alors le fait d'être né dans une famille musulmane, même si tu ne crois pas réellement en l'islam, puis en tout ce que l'islam ordonne d'accepter et de croire, ils croient qu'ils sont musulmans. Même s'ils font des choses qui annulent l'islam d'une personne, ou qu'ils croient en des choses qui annulent l'islam d'une personne, ou qu'ils disent des choses qui annulent l'islam d'une personne, et ils croient qu'ils restent toujours musulmans jusqu'à la mort parce qu'ils sont nés musulmans. Et donc, ils croient que celui qui est né non musulman, qui est né dans une famille mécréante, eh bien, lui, il est mécréant par nature. Et que, peu importe, le fait que, par exemple, il soit de quelle origine, du moment qu'il n'est pas de l'origine d'un des pays musulmans qui est historiquement connu comme étant un pays musulman, ils pensent que celui-là est kafir par nature. Et donc, ils vont croire que le kufr, c'est pas une état par rapport à la foi et à la croyance, mais c'est plutôt quelque chose qui a rapport avec la culture ou l'origine ou la nationalité, et non pas quelque chose qui a rapport avec la religion et la foi qui est dans le cœur ou l'acceptation de la vérité. Donc, le kufr, c'est un état par rapport à la foi et par rapport à la position d'une personne vis-à-vis de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est kafir peut devenir mu'min, et quelqu'un qui est mu'min peut devenir kafir. Et ça par rapport avec l'origine ou la nationalité ou l'ethnie ou l'histoire, hein? Il faut bien comprendre ça. Donc quand on dit que quelqu'un est kafir, ça par rapport avec le fait qu'il soit par exemple d'un pays où traditionnellement les gens sont des non-musulmans. Quelqu'un peut se convertir à l'islam puis devenir un mu'min, et donc quand il devient mu'min, on ne peut plus dire à son sujet qu'il est kafir par la suite. Donc le fait de décrire quelqu'un comme étant un kafir, ça n'a pas rapport avec son origine. Ça, c'est un point important. Quelqu'un peut venir d'un pays musulman et d'une famille musulmane et devenir kafir également s'il rejette des principes ou des fondements de la foi islamique, ou qu'il pratique ou qu'il dit des choses contraires aux fondements de la foi islamique et de l'islam. Donc, ça n'a pas rapport avec l'origine non plus. L'islam n'a pas rapport non plus avec l'origine. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et quand on s'adresse à un kafir, comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué, bien entendu, on ne va pas lui dire « Oh toi, le kafir, viens ici. » Hein? Mais on va l'appeler par son nom. On va l'appeler par son nom, puis on va lui expliquer l'islam. Hein? Mais si on parle à des musulmans, puis on explique aux musulmans la réalité de l'islam, et qu'on leur parle de Allah et de son messager et des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on leur explique les réalités du tawhid, de la foi et de la religion, ou qu'on parle à la mosquée dans une khutba sur le minbar, on s'adresse aux musulmans, et bien on va leur parler en leur expliquant qu'il y a les mu'minines, il y a les kuffars, il y a les mushrikines et il y a les muwahidines. On va faire la distinction pour aider les musulmans à comprendre et à connaître leur religion. Et donc, sinon, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est qu'il y a des gens qui vont se convertir à l'islam, et je l'ai déjà vu, même je l'ai remarqué déjà, il y en a qui se convertissent à l'islam parmi les juifs et les chrétiens, puis même après s'être converti à l'islam, ils continuent à penser que le christianisme est une religion correcte et que c'est une religion acceptable dans l'islam. Et ça c'est grave, parce que ça veut dire qu'ils acceptent l'islam mais continuent à croire que le christianisme est valable ou que le judaïsme est valable. Puis même parfois tu vas les voir, certains d'entre ces convertis là qui se fâchent lorsqu'on critique le christianisme ou qui se fâchent lorsqu'on critique le judaïsme, en pensant que quand on agit de cette façon là on agit d'une façon contraire à l'islam, parce qu'on ne on leur a pas expliqué la différence entre la foi et le kufr, et entre l'iman wa al-kufr. Donc ça, c'est très important d'expliquer, de dire aux gens que c'est pas une question d'avoir peur de blesser les sentiments des gens. Quand on dit le mot kafir, il faut dire le mot kafir, et ça tu vas voir souvent quand tu vas dire le mot kafir, il y a des gens qui vont venir te voir et me dire « Je m'excuse mon frère, mais c'est mieux de pas dire le mot kafir parce que ça peut blesser des gens. » Et bien tout de suite, quand tu entends ça, c'est un signe presque évident que probablement cette personne-là fait partie des ikhwan. En principe, parce que c'est leur manhaj d'agir de cette façon-là, leur attitude hypocrite, hein, par rapport au pouvoir. Comme ils ont des contradictions comme ça, c'est qu'ils détestent seulement les juifs et les chrétiens par rapport à des conflits qui ont rapport avec le territoire ou l'argent, la dunya seulement. S'ils ont un conflit avec un kafir pour de l'argent ou pour la dunya, ils le détestent. Et ils vont dire, ouais, lui c'est un kafir, ainsi de suite. Hein, comme ils vont dire, ah les zionistes, on est contre les zionistes. Mais si c'est une question par rapport à la foi et la religion et la croyance, ils vont dire, non, non, non, on est d'accord avec la foi des gens, ça c'est, on le respecte, mais nous on est juste contre l'injustice. Et ça c'est grave de dire ça. C'est comme si tu es en train de dire que la dunya est plus importante que la religion et que la aqida. Hein? Et pourtant tu vois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle des juifs et de leur trahison et de leur mécréance. Et il parle des chrétiens, il parle de leur égarement et de leur mécréance et de leur ignorance, mais il n'a jamais distingué entre zionistes ou non-zionistes. Hein? Il parle de la foi des juifs et de leur égarement dans la foi, du fait qu'ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'ils n'ont pas cru au Coran, du fait qu'ils ont tué beaucoup de leurs prophètes dans le passé, du fait qu'ils ont dit que la main d'Allah est fermée, qu'il est avare, du fait qu'ils ont transgressé beaucoup des lois de Dieu, comme par exemple le sabbat ou d'autres, hein, et qu'ils n'ordonnaient pas le bien et qu'ils n'interdisaient pas le mal, et beaucoup d'autres choses de ce genre-là qui sont mentionnées dans le Coran et qui expliquent l'égarement et le détournement de ces gens-là qui se disent des juifs aujourd'hui et qui refusent de croire et de suivre les messagers. Donc, la même chose aussi pour les chrétiens, du fait qu'ils disent que Dieu est trois en un, ou qu'ils disent que Jésus est Dieu, ou qu'il est le fils de Dieu incarné, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des exemples. Il y en a beaucoup d'autres encore, hein, parmi les formes de mécréance. Donc, notre problème avec ces koufars-là, c'est pas une question seulement de territoire qu'ils ont pris, la Palestine ou non. Hein. Ça veut dire pour les Ikhwan que si les Juifs demain ils disaient aux musulmans, on vous redonne la Palestine, ça y est, prenez-la, ça veut dire ils vont dire, ah, ok, on est des frères avec vous, on vous aime et vous êtes nos alliés. Et ils vont les laisser peut-être même rentrer dans le parlement musulman, puis rentrer dans le groupe, dans le gouvernement, Mustafa Mashour est en train de dire aux Coptes qu'ils sont égaux, ils ont les mêmes droits, ils peuvent rentrer dans l'Assemblée des députés, puis devenir chef d'État, même dans un pays musulman. Pour eux, il n'y a pas de problème avec ça, tout le monde est égaux. Hein? Donc, ça c'est l'attitude de ces gens-là. Et nous, on dit non, c'est pas vrai. Parce que si vous dites ça, en plus, non seulement ça, ça voudrait dire que un musulman qui nous fait de l'injustice et qui, par exemple, un musulman qui prend, un pays musulman qui aurait pris un autre territoire musulman d'un autre pays musulman, que vous êtes en train de les mettre à égalité avec les juifs, en disant que vous avez seulement un problème avec les juifs par rapport au territoire et non pas par rapport à la foi. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à propos d'un pays d'un musulman, d'un dirigeant musulman qui prend le territoire d'un autre pays musulman et qui fait de l'injustice à un autre musulman? Est-ce que vous allez dire la même chose? Est-ce que vous allez dire que non, on est contre eux par rapport à seulement après par rapport au territoire, comme les juifs, alors qu'en réalité ils sont nos frères, même s'ils font de l'injustice contre nous, hein? Bien entendu, ils font de l'injustice, on doit détester cette injustice-là. Mais on ne doit pas les détester de la même manière qu'un kafir, par exemple. Parce que le kafir, lui, il rejette la foi en Allah, il rejette la vérité. Donc on doit détester par rapport à sa mécréance. Hein? Même s'il est juste avec nous. Tandis que le mu'min, même s'il nous fait de l'injustice, on n'a pas le droit de le détester de la même façon. Puisque lui, il a reconnu la vérité et il aime Allah et son messager, sauf qu'il transgresse dans ses actions, donc on déteste ses actions, mais on continue à l'aimer en tant que mu'min. Hein? Donc, ça c'est l'exemple et c'est l'opposition même par rapport à ces gens-là, parmi les ikhwan qui n'ont pas compris le tawhid, qui n'ont pas compris al-wala wal-bara, et on entend ça souvent, même j'écoutais une citation même de Tariq Ramadan, il disait les zionistes vont me trouver partout, ils sont contre eux et les juifs avec eux. Hein? Donc ça veut dire une contradiction. Comment il dit, je vais être contre les zionistes, mais je vais être avec les juifs. Donc, c'est comme pour dire, il n'a rien contre la foi et la croyance des juifs, la religion des juifs, mais tout ce qu'il a contre quelque chose, c'est contre les zionistes. Et il fait une distinction entre les juifs et les zionistes. Donc ça, c'est leur attitude hypocrite. Je pense que j'ai assez bien clarifié ce point-là, inshallah. Et après, le cheikh dit, « وَيُقَالُ لِلْإِخْوَانِ فَإِذَا Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas compris « al-wala wal-bara », ils n'ont pas compris le « tawhid », et c'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Et dans une autre citation, je voulais dire à propos de ça, Tariq Ramadan, il dit dans une autre citation que « on ne doit pas détester la personne, mais on doit juste détester la mauvaise action de cette personne-là ». Et donc, il ne fait pas la distinction entre le mu'min et le kafir. Il regarde seulement les actions des gens. Et ça, c'est une grave erreur, hein, parce qu'il met, ça veut dire qu'il met le kafir et le mu'min à égalité. Et donc, il contredit en faisant ça, en agissant de cette façon-là, il contredit le Coran et la Sunna. Hein. Le Cheikh, il dit donc, وَيُقَالُ لِلْإِخْوَانِ إِذَنْ فما تقولون في الآيات التي صرح الله فيها بكفر اليهود والنصارى من القرآن مثل قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لقد سمى الله عز وجل أهل الكتاب من يهود ونصارى سماهم كافرين وسمى المشركين كافرين وأخبر أنهم جميعا في نار جهنم خالدين فيها وأخبر أنهم شر البرية أي شر الخليقة وأخبر أن المؤمنين آمنوا وأخبر أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير البرية وأخبر أنهم في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذن فهل يستوي المؤمنون والكفار وهل يستوي من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومن كفر بذلك كله أو ببعضه هل يستوي خير البرية وشر البرية هل يستوي من رضي الله عنه ومن سخط عليه وعلى هذا فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأهم المسلم بالسلام ثم أين شروط عمر رضي الله عنه التي شرطها على الذميين Donc le cheikh il dit, on dit ce qui suit au Ikhwan. Donc qu'est-ce que vous dites des versets suivants dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que les juifs et les chrétiens sont dans le kufr, hein? Comme par exemple dans le verset suivant dans Surat al-Bayyinah verset 6 et 7, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mouchriquins sont dans le feu de l'enfer éternellement, pour y demeurer éternellement. Et ceux-là sont les pires créatures. Hein? Et ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de la création. Leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sera des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et ça, c'est pour celui qui a eu la crainte de son Seigneur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé les gens du livre, les juifs et les chrétiens, il les a appelés kafirin, inna alladhina kafaru min ahli al-kitab. Hein? Et il a appelé également les mushrikin, des kuffars également. Walladhina, hein, inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin. Donc, ça veut dire que également les mushrikin sont des kuffars. Et il a également expliqué qu'ils seront tous dans l'enfer pour l'éternité. Et qu'ils sont les pires de la création. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui hein, mais toute autre chose en dehors de ça, il le pardonne à qui il veut. Donc, eux, ces gens-là, les juifs, les chrétiens, les mouchriquins, ils font le pire des péchés, c'est-à-dire ils font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et le kufr également. Donc, il n'y a pas de péché qui sera, qui restera impardonné, excepté ce péché-là. Et eux, ils sont en train de le faire. Donc, ça veut dire qu'ils sont éternellement dans l'enfer. Toutefois, quelqu'un qui fait un autre péché, autre que le shirk, hein, en dessous du shirk ou du kufr, lui, hein, il sera pardonné un jour. Même s'il rentre en enfer pour un certain temps, il ne va pas demeurer éternellement en enfer comme les mouchriquins et les kuffars. Il va en sortir après un certain temps. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de comparaison entre les gens qui sont sur le tawhid et les gens qui sont sur le shirk et le kufr. Hein? Donc ça, c'est très important à distinguer entre ces choses-là. Et c'est pour ça qu'Allah dit que les croyants sont les meilleures créatures, tandis que les juifs et les chrétiens et les mouchriquins sont les pires des créatures. Hein? Et c'est ça ce que Allah a dit dans ce verset-là, que les croyants seront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quand on dit les croyants, c'est les musulmans seulement, parce qu'il n'y a pas d'autres croyants que les musulmans. Et même les gens qui étaient à l'époque de leur prophète et qui ont cru à leur prophète sont des musulmans aussi, c'est-à-dire les vrais juifs qui ont cru réellement au message de Moïse et les vrais chrétiens qui ont cru réellement à ce que Jésus a enseigné à son époque, ceux-là sont des musulmans. D'accord? Ça, c'est très important de comprendre. Ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des juifs. Ce sont des musulmans. Donc, il n'y a pas d'autre religion pour Allah que l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Hein? Il dit: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc ça, c'est d'autres preuves qui confirment qu'il n'y a pas d'autre religion pour Allah que l'islam, et que quiconque arrive au jugement dernier avec quelque chose d'autre que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui, il sera dans les, parmi les perdants. Ça veut dire qu'il va être dans l'enfer pour l'éternité. Donc, le cheikh il dit ensuite: est-ce que tu vas mettre à égalité le croyant et le kafir? Est-ce que tu vas mettre à égalité celui qui a cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, en la prédestination, hein, le bien et le mal de ce que Allah a prédestiné, ou bien tu vas mettre à égalité celui-là, celui qui a cru en tout ça, et celui qui mécroit en ça, ou qui mécroit ou qui rejette certaines parties de ça, comme qui rejette un prophète, ou qui rejette un messager, ou qui rejette un livre. Est-ce que tu vas mettre celui-là à égalité avec celui qui croit en tout ce que Allah a ordonné de croire? Hein? Est-ce que tu vas dire que les meilleures créatures sont égales avec les pires créatures? Est-ce que tu vas dire que est-ce que tu vas mettre à égalité celui au sujet de qui Allah est satisfait et celui contre qui Allah est en colère? Tu les mets les deux à égalité? Ça, c'est de l'injustice. Et il y en a qui disent ça, il y en a parmi les Ikhwan, hein, comme Tariq Souaydan, il dit par exemple: les kuffars et les musulmans sont égaux, hein, et on ne fait pas de distinction par rapport à leur religion, comme si on dirait que l'islam c'est comme si pour eux le Coran c'est la charte de la déclaration des droits de l'homme, c'est ça leur Coran, la déclaration des droits de l'homme, c'est ça le Coran pour eux. C'est-à-dire, tout ce qui est dans la charte des droits de l'homme, qui est contraire au Coran, ils vont le nier, ils vont le rejeter, ils vont dire: ah non, ça c'est pas la bonne compréhension de l'islam. Il faut comprendre l'islam selon la charte des droits de l'homme seulement. Et la charte des droits de l'homme, quand est-ce qu'elle a été écrite? Hein? 1948? Hein, si je ne me trompe pas, ça veut dire avant ça, il n'y avait pas d'islam? A'udhu billah. Donc c'est de déformer la réalité de la religion musulmane, faire plaisir à des gens et pour les égarer. Donc, le cheikh, il dit donc qu'on ne peut pas les mettre à égalité. Et puis, Tariq Souaydan, il dit: tu n'es pas meilleur que le kafir dans cette dunya. Dans ce monde, tu n'es pas meilleur que le kafir. Donc, ça voudrait dire que selon Tariq Souaydan et les gens qui suivent cette tendance-là, on ne fait pas de distinction du tout entre un mu'min et un kafir dans les règles de la dunya. Et bien entendu, ça c'est contraire au Coran et la Sunna, parce qu'on voit que dans le Coran et la Sunna, il y a eu des distinctions entre le mu'min et le kafir dans la façon de régler et de gérer, de juger entre eux et de régler les choses de la dunya par rapport à eux. Dans cette dunya, il y a eu des différences entre les juifs et les chrétiens et les mouchriquins et les kuffars. Et le cheikh, il donne quelques exemples ici. Il dit, regardez par exemple, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque vous rencontrez des juifs et des chrétiens, faites-les passer par le chemin le plus étroit, hein. Ne leur laissez pas le passage en plein milieu du chemin. Et il y a également l'interdiction de leur donner le salam en premier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas leur donner le salam en premier. C'est eux qui doivent nous donner le salam, après on répond, mais on ne peut pas commencer en leur donnant le salam en premier. إذا لقيتهم على طريق فاضطروهم إلى أضيقه ولا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. Ne commencez pas le salut aux juifs et aux chrétiens. Donc le cheikh il dit, ça c'est un exemple que ce gars-là, qu'est-ce qu'il dit, Mustafa Mashour, c'est contraire à l'islam. Et il dit ensuite, et où sont également les exemples des conditions de Omar radiallahu anhu qu'il a établi contre les Dhimmiyyins, les Dhimmiyyins, c'est-à-dire ceux qui vivent parmi les gens, ceux parmi les juifs et les chrétiens qui vivent parmi les musulmans dans les pays musulmans et qui refusent l'islam et qui décident de rester sur leur mécréance et sur leur égarement. Donc on leur laisse la possibilité de rester dans la mécréance qu'ils sont, dans laquelle ils sont, sauf que ils doivent payer en échange une certaine taxe. Et en même temps, ils doivent respecter certaines conditions, et ces conditions-là, elles ont été établies à l'époque de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, quand il a pris une entente avec eux lorsqu'il est entré en Syrie. Et c'est pour faire comprendre que ces règles-là que Omar a fait appliquer à ces gens-là sont des règles qui sont tirées du Coran et de la Sunna, et tous les sahaba ont accepté et ont été satisfaits de ces conditions-là. Et donc il y a une ijma au sujet de ces conditions que Omar a établies sur les juifs et les chrétiens. Donc quelqu'un peut pas dire aujourd'hui que ces conditions-là, c'est pas obligatoire de les faire appliquer, ou de dire que, par exemple, ça c'était une injustice envers les juifs et les chrétiens. Comme Tariq Ramadan l'a dit, par exemple. Dans une de ses conférences qu'il fait, il parle avec les musulmans, et il y a des chrétiens, je pense, à ce rendez-vous-là. Et là, il commence à parler, il dit, êtes-vous pour la vérité? Et là, bien entendu, un musulman ne peut pas dire non, hein. Parce qu'on est obligé d'être pour la vérité. Il dit, si vous êtes pour la vérité, alors vous devez accepter la vérité quand c'est pour vous et quand c'est contre vous. Hein? Et il faut donc admettre, il dit, il faut donc admettre qu'il y a des choses dans notre histoire qui ont été injustes. Hein? On voit, on voit une juive qui écrit contre le sionisme, puis elle dénonce les injustices des sionistes. Donc, regardez, il y a les juifs, ils critiquent leur propre religion et leur propre peuple. Donc, ça, c'est de la justice. Hein? Il dit, je suis d'accord avec ça. Et, d'un autre côté, nous aussi, il faut qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire, il faut qu'on critique notre histoire, puis qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire. Des fois, on a fait des choses qui ne sont pas correctes. Et il donne comme exemple de ça, il dit à un certain moment donné, il y a des musulmans qui ont ordonné à des chrétiens ou à des juifs de s'habiller différemment que les musulmans, ou ainsi de suite. Et il ignore probablement que ce point-là, ça fait partie des conditions que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a fait signer aux chrétiens à l'époque. Et qu'il y a eu une ijma à ce sujet-là, et que ça fait partie, donc, de la religion, puisque tout ce qui a été agréé par les par les Sahaba et qu'il y a eu un consensus à son sujet, ça fait partie de la charia. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tajtami'u ummati ala dalala » Ma umma ne va jamais être d'accord sur un égarement. Donc quand il y a une ijma des Sahaba, ça veut dire que il y a un agrément là-dessus, donc il faut l'accepter. Et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre la sunna, sa sunna et la sunna de ses successeurs bien guidés. Et donc ça fait partie de la sunna des Khulafa Rashidin. Et donc on doit s'y accrocher, on doit le suivre également. On peut pas en rejeter, on peut pas rejeter cet aspect-là, surtout si on sait que il y a personne parmi les Sahaba qui a jamais dit qu'il y avait quelque chose d'incorrect dans ces règles-là ou dans ces conditions-là. Donc il faut, on n'a pas le choix de les accepter. Et le cheikh il va les mentionner tout à l'heure. Donc il mentionne les conditions de Omar et il dit aina amrullah azza wa jalla fi qawlihi wa qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tu al-jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Après il dit innal jizya 'unwanu saghar wa dhilla 'ala ahli al-kitab min al-yahud wa an-nasara ويلحق بهم المجوس لاختيارهم البقاء على الكفر فأوجب الله عز وجل عليهم الجزية وأعفاهم من القتل فهم إنما يعطونها مقابل إعفائهم من القتل لتكون عنوانا لإذلالهم وتصغيرا وتحقيرا لهم وإعلانا لتبعيتهم لحكم الإسلام. قال القرطبي وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لكتابهم وكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل. وقال ابن كثير في تفسير الآية في قوله تعالى حتى يعطي الجزية أي أن يسلم أي حتى يعطي الجزية أي أن إن لم يسلموا عن يد أي عن قهر لهم وغلبة وهم صاغرون أي ذليلون حقيرين حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغر أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. Bon, le cheikh il mentionne donc le verset 29 dans sourate At-Tawba qui dit « Et combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier et qui n'interdisent pas ce qu'Allah a interdit et son messager et qui ne pratiquent pas la religion ou ne suivent pas la religion de vérité parmi les gens qui ont reçu le livre » jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya de leur propre main alors qu'ils se sont humiliés eux-mêmes. Donc ça c'est le verset en question. Et ce verset-là, il est clair sur le fait qu'ils ne suivent pas la religion de vérité et qu'ils ne sont pas considérés comme étant des mu'minin. Et ensuite, il y a la mention dans ce verset-là de la jizya. Et la jizya, c'est l'humiliation et le rabaissement pour les gens du livre, parmi les chrétiens et les juifs, et également les majus entrent là-dedans. Les gens qui croient en la religion des Perses, à l'époque, avant l'islam, ils étaient des majus. Ils croient en deux dieux, le dieu du bien, le dieu du mal, et ils adorent le feu ou des trucs de ce genre. Donc ça, c'est des exemples de des groupes qui peuvent payer la jizya. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné donc de payer la jizya, et ils sont exemptés du combat s'ils acceptent de payer la jizya. Et yani, le cheikh il dit pourquoi il dit فهم إنما يعطونها مقابل إعفائهم من القتل تكون عنوانا لإذلالهم وتصغيرا وتحقيرا لهم وإعلانا لتبعيتهم لحكم الإسلام. Donc il dit qu'ils doivent donner la jizya en échange du fait qu'on ne les combat pas, yani du fait qu'on ne va pas les combattre, mais en échange ils doivent payer la jizya. Et ça c'est pour montrer qu'ils sont humiliés et rabaissés. Et c'est pour montrer également que, et pour exprimer également que, ils doivent suivre ils sont sous le pouvoir de l'islam et sous le jugement de l'islam. Donc c'est ça l'explication. Et maintenant, étant donné que les musulmans ils ont oublié leur histoire et que les musulmans ils ont oublié leur religion, beaucoup d'entre les musulmans ils ont oublié la réalité de leur religion. Maintenant, c'est rendu que c'est les chrétiens qui nous appliquent la jizya aujourd'hui. Hein? C'est les chrétiens aujourd'hui qui nous font appliquer ces règles-là. Et même quand on regarde en France maintenant comment les koufards, les chrétiens, les juifs, les athées, comment ils traitent les musulmans, ils traitent les musulmans en appliquant sur eux les règles de l'islam. Les règles de l'islam dans le sens que ils nous... vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre. Parce que les musulmans parfois sont plus, ils ignorent plus les règles de l'islam que les chrétiens et les juifs. Les juifs et les chrétiens ont un souvenir très très près de la réalité de la puissance et de la force de l'islam, des musulmans. Et justement, ils ont peur que les musulmans commencent à retourner à la bonne compréhension de leur religion, parce qu'ils disent, bon, s'ils reviennent là, ça y est, on va avoir des problèmes avec eux. Hein? Parce que s'ils ont cette fierté-là et cet honneur-là pour leur religion, eh bien, ça veut dire qu'ils vont diriger le monde. Et c'est eux qui vont être en charge de tout ce qui se passe. Et ils vont contrôler et ordonner le bien et interdire le mal. Et on ne pourra plus faire de l'argent, on ne pourra plus vivre comme on vit maintenant et suivre nos passions et ordonner la corruption dans le monde. Et semer l'injustice partout. Donc, bien entendu, ça, c'est quelque chose qui les dérange. Mais bon. Le cheikh, il explique, il dit que l'imam al-Qurtubi, hein. Il y en a qui vont dire, ah, mais ça, c'est l'interprétation des radicaux, des wahhabites, des salafis, des trucs de ce genre. Et là, ils vont essayer de dire que ça, c'est pas l'islam, et ainsi de suite. Et pourtant, ces explications-là, ce n'est pas des choses qui ont été écrites par Mohammed ibn Abdul Wahhab, le grand imam, le cheikh en Arabie, qui est venu en Arabie, ou bien même ce n'est pas inventé par l'État saoudien, parce que bien entendu, l'État saoudien, ça ne fait pas longtemps qu'elle existe. C'est des choses qui existaient depuis des siècles même, hein, dans les livres de tafsir et les livres des écrits des savants de l'islam depuis les premiers siècles, hein, et ça existe. Chez les musulmans, ces choses-là, ces textes-là sont là parmi nous depuis toujours. Donc, d'essayer d'interpréter ça en disant que c'est un groupe radical qui est venu dans un groupe islamiste ou je sais pas quoi encore, eh ben, c'est un mensonge parce que c'est pas vrai. Déjà, c'est dans le Coran et c'est dans les hadiths et c'est dans les livres de tafsir des grands savants qui sont reconnus par tous les musulmans dans la Ummah. Hein? Donc quelqu'un ne peut pas prétendre de ce genre de choses, de dire que ce sont des groupes radicaux qui disent des choses comme ça, hein? Alors si on dit que c'est des groupes radicaux qui disent ça, non, ça veut dire que tous nos savants ont été des radicaux dans ce cas-là, et qu'il n'y a pas de problème dans ce cas-là si on nous traite de radicaux parce qu'on croit en la vérité. Ben, qu'ils nous traitent comme ils veulent, de nom, avec les noms ou les mots qu'ils veulent, c'est pas ça qui nous fait peur en réalité. L'important, c'est juste que qu'est-ce que nous on suit, c'est ça ce que Allah nous a ordonné de suivre. Et le reste, ça nous importe peu. Donc le cheikh il dit que les juifs et les chrétiens, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ont été mentionnés par rapport à leur livre comme une sorte de, d'honneur par rapport au fait qu'ils ont, ils ont connu le tawhid dans leurs livres et leur, ils ont connu les messagers également et ils connaissent les, la, les religions, la religion et ainsi de suite parce qu'ils ont reçu des messagers et des livres eux aussi. Et en particulier, ils ont appris la venue, de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa religion et de sa umma dans leurs livres également. Mais lorsqu'ils ont nié ça, c'est comme si la preuve était tellement forte contre eux parce que déjà, ils ont une connaissance par rapport aux autres koufars et mushrikines qui n'ont pas reçu de livres, comme les idolâtres de la Mecque parmi les Arabes, ou bien les hindous ou les bouddhistes et les autres qui n'ont pas reçu de livres, ou les animistes. Alors, ils ont un privilège par rapport aux autres qui n'ont pas de reste de révélation. Et c'est pour ça que, donc, le crime de la part de, des gens du livre est plus grand dans leur, par rapport à leur mécréance et leur refus de la, de, d'accepter la vérité. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça par rapport à mentionner leur religion et également a fait qu'ils ont un but, une limite dans le combat par rapport au fait qu'ils peuvent donner la jizya en échange du combat. Et ça, c'est justement pour montrer, comme on va le voir dans la parole de Ibn Kathir, parce que là, après le cheikh, il mentionne les paroles de Ibn Kathir, et l'imam Ibn Kathir, il dit dans son tafsir de l'explication du verset 29 dans Surat At-Tawbah, qui est le chapitre 9, il dit jusqu'à ce qu'il donne la jizya, c'est-à-dire qu'il la donne an yadin, c'est-à-dire il la donne parce qu'on les a conquis, on les a, on a eu le dessus sur eux. Wahum sahirun, c'est-à-dire qu'ils se sont humiliés, rabaissés, et qu'ils ont été écrasés, ils sont humiliés. Et donc le chef dit, et donc ça c'est la preuve qu'il n'est pas permis de d'élever les gens de la zimma et de les élever au-dessus des musulmans. Ils doivent être petits, rabaissés et malheureux. Ashqiya, hein, et il mentionne le hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne commencez pas à, dans la salutation des juifs et des chrétiens et lorsque vous les rencontrez sur un chemin faites-leur prendre le plus étroit, faites-leur prendre le passage le plus étroit. Et le cheikh il dit, et ça c'est encore dans, parce que les conditions de Omar dont on est en train d'expliquer les, l'introduction là, ça c'est les paroles de, c'est les paroles de Ibn Kathir. Donc quand vous allez au tafsir de Ibn Kathir au verset 29 dans le chapitre 9, c'est-à-dire Surat At-Tawbah, vous allez trouver la mention de ça et la mention des conditions que Omar avait fait prendre aux chrétiens et aux juifs de la Palestine à l'époque, hein, quand il est entré là-bas. Donc c'est pour vous faire comprendre les règles, que ces règles-là, c'est pas quelque chose qui a été inventé, qui est nouveau. C'est quelque chose qui a été connu depuis l'époque des Khulafa ar-Rashidin. Et donc le cheikh dit, et c'est pour ça que on a établi, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a établi contre eux des règles et des conditions à respecter. Et parmi ces conditions-là, qui sont très connues, bien connues par les ulama de l'islam, et en fait, même si vous retournez dans tous les livres de fiqh, que ce soit le fiqh maliki, ou le fiqh shafi'i, ou le fiqh hanbali, ou le fiqh hanafi, tous les livres de fiqh, dans tous les madahib de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, vous ouvrez le chapitre du djihad, et vous allez trouver dedans les règles des gens de la zimma. Et les conditions de Omar sont mentionnées là-bas aussi, avec les preuves. Et il y a même un livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya qui s'appelle Ahkam al-Zimma. Et dans ce livre, il explique phrase par phrase chacune des conditions du contrat que Omar Ibn al-Khattab radiallahu anhu a fait prendre aux chrétiens et aux juifs en Syrie. Donc ça c'est pour vous dire que ça c'est des choses qui sont connues, qui sont acceptées Il y a un ijma là-dessus. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas un savant de l'islam depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui qui fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a qui a jamais renié quoi que ce soit de ces conditions-là. Jamais. Hein, jusqu'à aujourd'hui. Sauf les ikhwan et ceux qui suivent la voie des égarés comme les ikhwan. Hein. Mais sinon, les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, eux, ils ont toujours affirmé la vérité, puis ils ne tournent pas à gauche et à droite pour satisfaire quiconque. Hein, ils disent la vérité telle qu'elle est, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Hein. Et même si ça doit leur ramener des difficultés ou des problèmes, ils sont prêts à prendre les difficultés et les problèmes qui viennent avec pour affirmer la vérité et dire la réalité telle qu'elle est. Hein. C'est pas pour garder les gens dans l'égarement et dans l'ignorance sous prétexte que on a peur des répercussions que ça pourrait nous amener. Hein. Parce que là, ça veut dire qu'on a caché la vérité et puis qu'on amène les gens de plus en plus dans l'ignorance. Et jusqu'à quand? Hein? Donc, ça c'est important de l'expliquer aux musulmans et de leur faire comprendre la réalité de ces choses-là. Après, le cheikh, il dit, ces conditions-là donc sont très claires et très connues. Et le cheikh il dit وَمِمَّا رَوَاهُ الْأَئِمَّ الْحُفَّاظ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمَ الْأَشْعَرِ قَالْ كَتَبْتُ لِعُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ صَالَحَ نَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله بن عمر لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وزرارينا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا ما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمه ولا نؤوي في كنائسنا ومنازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم في مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسنا في قنصلة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم رؤوسنا وأن نلتزم زيا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج سعانينا ولا بعوثا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم وقال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا أهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. Donc ça c'est le texte des conditions que Omar avait pris. C'est rapporté selon les imams Al-Huffaz, selon la narration d'Abdurrahman ibn Ghanam Al-Ash'ari. Il a dit que Omar ibn Khattab a reçu la lettre des chrétiens avec lesquels il avait pris une entente en Syrie. Et dans cette lettre, c'est écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, هذا كتاب. Il dit ça c'est une lettre. Ils disent ça c'est les chrétiens qui écrivent cette lettre. Ils disent ça c'est une lettre pour Omar, le chef des croyants, des chrétiens de telle ou telle ville, c'est-à-dire d'une ville en particulier, sans mentionner le nom. Il dit lorsque vous êtes venus, nous avons demandé la sécurité pour nous-mêmes et nos enfants et les gens de notre religion. Puis on a établi pour vous sur nous-mêmes des conditions. Donc c'est eux-mêmes qui ont établi ces conditions-là contre eux-mêmes, et Omar ibn Khattab les a agréés, et il a même rajouté à ces conditions-là. Mais on va voir, on va passer par-dessus ces conditions-là. Il dit donc, on a pris comme condition sur nous-mêmes que on va pas parler à personne, non, on va pas rénover, non, on va pas construire dans notre ville ni dans les entourages aucune construction comme par exemple église ou monastère ou ainsi de suite. C'est-à-dire on va pas rien construire de nouveau, de nouvelles églises ou de nouveaux monastères ou des choses de ce genre. Et voilà, nous dit ma kharaba minha, s'il y en a une qui est détruite ou qui a été vieille et qui a commencé à être en ruine ou commencer à se détruire, on va pas la rénover. Donc ils n'ont pas le droit de construire de nouvelles églises, ils n'ont pas le droit de les rénover non plus. Et on a voilà nuhi minha ma khata ma kana khatatan lil muslimin. Cette condition là, je sais pas, il faudrait que je retourne au livre d'Ibn Qayyim pour savoir qu'est-ce que c'est en détail cet exemple là. On ne doit pas rénover ou renaître ce qui a été planifié par les Makana khatatan lil muslimin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par cette condition-là. Après, il dit wa an lam namna kana'isana an yanzila. Ok. On ne doit pas empêcher à aucun des musulmans de venir s'abriter dans l'église de jour ou de nuit. Donc, si un musulman qui a besoin d'un abri, hein, et puis qu'il passe par une église, qu'il veut se faire accueillir, ils ne doivent pas l'empêcher de s'abriter dans l'église. Et d'élargir nos portes pour les gens qui passent et pour les voyageurs. Donc ça veut dire d'accueillir les voyageurs et de les aider. وَأَنَّنْزِلْ من مر بنا من مسلمين ثلاثة أيام. Okay. S'il y a des musulmans qui viennent chez nous pendant trois jours, on doit les accueillir et les nourrir si par exemple ils viennent à passer par chez nous. Yani, comme l'islam le demande pour l'accueil des voyageurs et l'hospitalité envers les voyageurs. Voilà, nous, oui. Et on ne doit pas non plus préserver ou garder ou protéger dans nos églises un espion, ni de garder quelqu'un qui triche ou de tricher les musulmans ou contre les musulmans, ou de préserver ou de garder quelqu'un qui triche. et de ne pas enseigner à nos enfants le Coran, et de ne pas exposer aucune forme de shirk ou d'appeler les gens au shirk. Donc ils n'ont pas le droit d'appeler à leur religion ouvertement ou de faire de la propagation de leur religion. ولا نمنع احدا من ذوي قرابتنا, et on n'a pas le droit d'empêcher quiconque de nos proches, d'empêcher à quelqu'un d'entrer dans l'islam s'il veut rentrer dans l'islam, et de montrer du respect envers les musulmans, et de se lever lorsqu'ils viennent pour dans nos assemblées, et de ne pas ressembler à aucun d'entre eux dans leurs vêtements, c'est-à-dire de ne pas prendre les vêtements et l'habillement des musulmans. Donc ils n'avaient pas le droit, les chrétiens, de porter par exemple des vêtements qui étaient typiquement les vêtements des musulmans, ni dans le tissu, dans le vêtement qu'ils portaient, dans l'imama qu'ils portaient sur leur tête, ou bien dans leurs sandales, ou dans leur façon de placer leurs cheveux, ou même dans leur façon de s'exprimer, dans leurs expressions, ils ne devaient pas parler comme les musulmans. Et de ne pas prendre non plus les mêmes kunyas que la kunya des musulmans, et de ne pas... voilà, narkab as-suruj. Ici, je ne sais pas s'il parle des lanternes ou bien des chandelles. Allahu a'lam. Mais en tout cas, il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça. Il y en a une aussi qui mentionne le fait qu'ils ne doivent pas monter le cheval de la même façon que ils ne doivent pas monter un cheval. Et s'ils montent un âne, ils doivent mettre les deux jambes du même côté, pas s'asseoir comme les musulmans. Celui-là, il n'est pas mentionné ici, d'après ce que je vois, mais dans d'autres livres, il est mentionné. Après, il dit voilà, nataqallad as-suyuf. Ils n'ont pas le droit de porter une épée, ni de porter quoi que ce soit d'armes sur eux. Hein? Donc, ça, ils n'ont pas le droit de porter des armes. Et ils ne doivent pas porter non plus de bagues écrites en arabe, comme un khatim, comme une étampe. Les gens utilisaient la bague pour étamper leurs lettres lorsqu'ils envoyaient des lettres pour la cacheter. Et il dit également, on ne doit pas vendre l'alcool, yani, oui, après il dit, wa an najiz maqadim ru'usina, ça ici j'ai pas, il dit comme s'ils doivent montrer le devant de leur tête, ça j'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire. Wa naltazim zayyana حيثما كنا, de toujours garder nos vêtements partout où nous sommes, c'est-à-dire de notre façon de porter nos vêtements partout où nous sommes. Et il devait par exemple, quand il portait un qamis, porter une corde autour de la taille pour se distinguer des musulmans. Et ils disent qu'on ne doit pas non plus montrer la croix sur nos églises. On n'avait pas le droit de mettre une croix sur les églises. Et on n'a pas le droit non plus d'exposer nos croix ni nos livres dans les chemins des musulmans ou dans les marchés des musulmans. Et on n'a pas le droit de frapper les cloches non plus dans nos églises, excepté un petit coup très doux, hein, pas de frapper fort les cloches et les églises. Et on n'a pas le droit d'élever nos voix en lisant dans nos églises, quand on lit dans nos églises en présence des musulmans. Et وأن لا نخرج سعانين ولا بعوثا, ça non plus je sais pas. ولا نرفع أصواتنا مع موتنا, lorsque quelqu'un est mort, on ne doit pas annoncer ça à haute voix. ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم, et on ne monte pas le feu. Ça je sais pas à quoi ça fait référence. On montre pas le feu avec eux quand ils sont sur les chemins avec les musulmans. Bon, probablement ça a rapport avec les funérailles des chrétiens. Voilà, nous jawirhum mawtana. On n'a pas le droit non plus de les enterrer près des musulmans. Wa an nurshid al-muslimin. Et on doit également montrer ou bien orienter les musulmans et ne pas essayer de voir qu'est-ce qu'ils font dans les maisons, c'est-à-dire de pas essayer de découvrir ou de regarder à l'intérieur des maisons des musulmans. Lorsque Omar a reçu la lettre, il a rajouté et de ne pas frapper aucun parmi les musulmans. Et on a établi ces conditions-là contre nous-mêmes, sur nous-mêmes, et pour les gens de notre religion. Et on a accepté la sécurité. Et quiconque contredit dans quoi que ce soit de ce qu'on a pris comme condition avec vous et de nos devoirs envers vous, alors on perd toute protection, on n'a plus de zimma. Hein, on n'a plus d'entente dans ce cas-là, et il dit après, à la fin, وَيَحِلُّ حَلَّ لَكُمْ مِنَّا مَا يَحِلُّ مِنْ أَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ. C'est-à-dire, si on contredit les conditions qu'on a mentionnées ici, tout ce qui a été permis par rapport aux gens qui se sont opposés aux musulmans va être permis pour nous aussi, c'est-à-dire on va être au même degré que ceux qui se sont opposés à la vérité et à l'islam et aux musulmans. Donc on n'aura plus d'entente ou de sécurité devant les musulmans si on contredit ces conditions-là. Le cheikh dit « Wa bihada ta'lam anna ma qarrarahu l'ikhwan fi Misr » Mustafa Mashour. Donc il dit que vous voyez à partir de ça, ومما أن ما قرره مرشد الإخوان المسلمين في مصر مصطفى مشهور وما قرره منظر هذا المنهج هناك وارتضاه مرشدهم المذكور ووقع عليه وما احتوى عليه من فقرات كله باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم ولما أجمع عليه أهل العلم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا وأن ذلك يدل على واحد من أمرين وهما إما جهلهم بالشرع الإسلامي جهلا فظيعا وإما تجاهلهم له وإرضاؤهم للأقباط بإسخاط الله عز وجل فإن كانوا جاهلين بالشرع فكيف يزعمون أنهم يدعون إليه وهم جاهلون به وإن كانوا يعلمون أحكام الشرع ولكنهم قصدوا مخالفتها إرضاء للنصارى فهم ضالون ظالمون كاذبون فيما يدعونه من الدعوة إلى الله فلو كانوا دعاة إلى الله كما زعموا لأرضوا الله بإسخاط الناس ولم يسخطوا الله بإرضاء الناس. Donc le cheikh il dit, et donc à partir de cette explication là de la lecture de ces conditions là et de ces exemples là, on peut savoir tout de suite que ce que le chef des Ikhwan en Égypte, Mustafa Mashour, a établi, de même que les conseillers qui sont avec lui dans ce manhaj, et que qu'est-ce qu'ils ont écrit et qu'est-ce qu'ils ont confirmé dans le texte qu'ils ont écrit, et que leur murshid, leur chef a signé, hein, et tous les points qu'ils ont mentionnés, ça c'est complètement faux, hein, complètement contraire au Coran et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna des khulafa al-rashidin qui sont venus après. Et c'est contraire également à tout ce que les sahaba ont agréé et ils ont eu, ils se sont mis d'accord là-dessus parmi les savants de l'époque des sahaba jusqu'à notre époque. Il y a eu le consensus au sujet de ces règles-là. Et ça prouve deux choses. Une de deux choses suivantes. Soit qu'ils sont ignorants de la charia, d'une ignorance incroyable, hein, d'une grave ignorance, ou soit qu'ils font semblant, hein, ils ignorent volontairement, hein, ils font semblant d'être ignorants, mais ils ignorent volontairement ces choses-là dans le but de satisfaire les chrétiens et égyptiens et de chercher et de d'attirer sur eux la colère d'Allah. Donc ils veulent plaire aux chrétiens même dans ce qui met Allah en colère. Et donc, s'ils sont ignorants de la charia, alors dans ce cas-là, comment ils peuvent prétendre qu'ils appellent les gens à la charia alors qu'ils sont ignorants? Et s'ils ne sont, et s'ils savent les règles de la charia, mais qu'ils font ça intentionnellement pour contredire la charia, pour faire plaisir aux chrétiens, alors dans ce cas-là, ils sont égarés, injustes et menteurs dans ce qu'ils prétendent, lorsqu'ils prétendent faire la da'wah à Allah, parce que la réalité, c'est qu'ils ne font pas la da'wah à Allah comme ils le prétendent. Parce que celui qui fait la da'wah à Allah, il cherche à satisfaire Allah en premier, même si ça met les gens en colère contre lui, et non pas de mettre Allah en colère contre lui pour faire plaisir aux gens. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, en ce qui concerne la question de la da'wah, il y a un point très très important à comprendre aussi à ce sujet-là. Que les ikhwan font semblant de ne pas comprendre. Mais comme on a vu maintenant, c'est très clair. La da'wah dans l'islam, c'est pas tel que les gens aujourd'hui l'ont compris. Premièrement, on a expliqué plusieurs fois, moi j'ai expliqué ça dans des durus et dans des, j'ai écrit là-dessus aussi, puis les ulama ils l'ont expliqué bien avant moi, que les musulmans n'ont pas le droit de quitter un pays musulman pour venir s'installer dans un pays de kufr. D'accord? Donc ça c'est déjà en partant. Mais pour les ikhwan, ça, ça n'existe pas. Hein? Pour eux, le pays de kufr, pour eux les pays musulmans sont des pays de kufr. Les pays de kufr sont des pays musulmans, c'est le monde à l'envers avec eux. Donc, ils incitent les musulmans à quitter les pays musulmans pour aller vivre chez les koufars et à s'intégrer chez les koufars et à rentrer dans la politique, à rentrer dans le gouvernement et dans la société, puis à devenir des citoyens, puis soi-disant et ainsi de suite à vouloir soi-disant eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent islamiser l'Europe et l'Amérique soi-disant en passant par la méthode de s'intégrer parmi les chrétiens et les juifs. Et ça, bien entendu, on a expliqué que c'est contraire à l'islam, parce que ça veut dire que tu dois t'allier aux koufars, tu dois accepter leurs lois, tu dois accepter leur constitution et leur système. Et ensuite de ça, ils rentrent dans les élections, ils incitent les musulmans à rentrer dans les élections, à s'intégrer comme ça dans ces choses-là. Donc ça, déjà, en partant, c'est contraire à l'islam, puisque l'islam nous ordonne d'émigrer, de quitter les pays non-musulmans pour aller vivre dans les pays musulmans, si on est capable. Donc ça, c'est déjà un point qui montre la contradiction dans le manhaj. En partant, chez les ikhwan, pour eux, c'est contradictoire. La da'wah, si des musulmans vont venir chez des koufars pour faire la da'wah, c'est uniquement les gens qui ont du ilm, qui ont étudié la charia, qui connaissent le tawhid et les fondements de l'islam, et qui ont étudié la religion des koufars et des mouchriquines, et qui savent comment la transmettre avec science. Et en même temps, des gens qui vont aller là-bas, qui sont envoyés par les musulmans, c'est-à-dire comme envoyés par les dirigeants des pays musulmans, chez les non-musulmans, comme du'at, lorsqu'ils ont la sécurité dans ces pays-là, et qu'ils ont la permission de rentrer pour faire la da'wah, ils vont uniquement pour la da'wah, pas pour travailler comme laveur de vaisselle dans un restaurant, travailler à temps partiel ou à temps plein, salaire minimum, puis après ça, dans ses temps libres ou dans ses jours de congé, il va passer du temps à faire la da'wah, soi-disant, à donner des pamphlets au coin de la rue. Ça, c'est pas la da'wah. Ça, c'est pas ça que l'islam nous ordonne. L'islam, comme on a expliqué, c'est d'envoyer, que les musulmans, les dirigeants musulmans, envoient chez les non-musulmans des savants de l'islam, des ulama, qui ont étudié cette charia, qui ont étudié cette religion et le tawhid et les fondements, et qui vont là-bas expressément seulement pour la da'wah et pour enseigner aux non-musulmans l'islam. Pas comme ça se passe aujourd'hui, que les musulmans vont habiter chez les koufars alors qu'ils sont complètement ignorants du tawhid, complètement ignorants de la charia. Quand ils ont des questions ou des problèmes sur la religion, ils ne savent même pas quoi faire entre eux. Il y en a qui ouvrent des mosquées, ils ne savent même pas les règles de l'islam, ni les règles du tawhid, ni les règles de la charia. Ils ont des problèmes, sont obligés de téléphoner à d'autres pays musulmans pour appeler des ulama pour demander des fatwas, parce que justement, il n'y a pas d'ulama ici, en Amérique, ni En Europe non plus, il n'y a pas de savants. Donc, c'est pour cette explication-là et pour ces raisons-là que les du'ats, c'est les ulama. C'est pas n'importe qui, les du'ats. C'est pas quelqu'un qui sait bien parler ou qui sait bien faire des discours. Il passe à la télé, puis à la radio, puis il parle bien parce qu'il parle un bon français, on le laisse parler. Non. La da'wa, c'est pas une question de bien parler. La da'wa, c'est une question, est-ce que la personne qui l'a fait, il a une base dans l'ilm, il a une compréhension de cette religion-là. Et donc, comme je disais, c'est de cette façon-là que la da'wa est faite. Si c'est pas possible pour les du'ats de l'islam d'entrer dans des pays musulmans, comme c'était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait Mu'adh ibn Jabal au Yémen, et il envoyait d'autres sahaba à d'autres, dans d'autres villes, et dans d'autres tribus pour aller faire la da'wa parmi les différentes tribus. Hein? Donc ça c'était, il envoyait des gens qui avaient du ilm, qui avaient une connaissance et une compréhension de l'islam. Hein? Tandis qu'aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Et en même temps aussi, il y a les tablirs qui font juste se promener de mosquée en mosquée, aller dire aux gens des choses sur l'islam, mais sans aucune compréhension de la base de la religion, des fondements du tawhid. Et chez ces gens-là, vous allez remarquer une chose, chez les Ikhwan et chez les Tablirs et les autres, c'est qu'ils sont tous en train de dire aux musulmans qu'il ne faut pas apprendre la aqida et parler de aqida. Pourquoi? Parce que la aqida pour eux, c'est la cause de la division des musulmans. Donc, ils évitent tout ce qu'ils, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de parler des fondements de l'islam, parce qu'ils sont convaincus que de parler des fondements de l'islam va diviser les musulmans. Vous imaginez que si c'est nos fondements qui nous divisent, qu'est-ce qui va nous unir? Si nos fondements nous divisent, qu'est-ce qui va nous unir? Hein? Le couscous de l'amitié, comme ils font, le couscous de l'amitié, hein? Ou bien les pique-niques avec les barbecues, comme ils font ici. C'est ça pour eux la fraternité. Même Tariq Ramadan, il dit, ce qui fait notre fraternité, ce n'est pas nos principes, le tawhid, la prière, les choses comme ça. Ça, ce sont juste des jalons sur la route, yani, ou comme des indications sur la route, c'est tout. C'est pas ça qui fait la fraternité. Hein? Donc moi quand j'entends ça, je me dis subhanallah, comment quelqu'un peut dire que c'est pas nos fondements qui va faire notre fraternité? Qu'est-ce qui a fait la fraternité des sahaba avant, quand ils sont devenus musulmans? Ils étaient des mouchriquins, ils sont devenus des musulmans. Qu'est-ce qui a fait leur fraternité? C'est l'islam. Et après il donne des exemples, il dit la preuve que c'est pas ça qui fait notre fraternité, si c'était nos principes qui faisaient notre fraternité, on n'aurait pas de problème entre des couples musulmans, un homme et sa femme, ainsi de suite. Subhanallah. Donc lui, ça veut dire que on dirait qu'il considère que si un homme a des problèmes avec sa femme ou si un musulman a un problème avec un autre musulman dans la dunya, qu'ils sont plus des frères à cause de ça et qu'on n'a plus de fraternité. Et celui qui pense ça ou qui comprend les choses comme ça, c'est parce qu'il n'a pas rien compris de l'islam. Hein? Donc ça, c'est juste des exemples pour faire comprendre que c'est seulement nos fondements qui peuvent nous unir, et nos bases, et le tawhid, et les principes de la religion qui vont nous unir, rien d'autre. Et si on n'est pas capable de s'unir, si on pense que de parler de ça, c'est ça ce qui va nous diviser, ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un suit ses passions là-dedans, et quelqu'un refuse d'accepter la vérité là-dedans. Parce que la vérité ne peut pas nous diviser, excepté si on est en train de suivre le mensonge, hein, excepté si on est en train de suivre l'égarement. Donc ça, c'est un point très important à comprendre. Donc, la da'wa, c'était comme ça. Et c'est comme ça que ça doit se faire. C'est pas de la façon dont ces gens-là le font maintenant. Ils sont en train d'amener les musulmans dans les problèmes. Et en plus, même maintenant, les kuffars, ils commencent à voir les ruses que ces gens-là sont en train de faire. Hein, et ils sont en train de donner à l'islam et aux musulmans une mauvaise réputation, une mauvaise image à cause de ça. Parce qu'ils disent, regardez, ils essaient de s'infiltrer, ils essaient de prendre le contrôle, ils essaient de prendre le pouvoir, de faire ci, de faire ça, ils ont des complots. Hein. Et là, c'est pour ça que Tariq Ramadan est arrivé avec son soi-disant islamophobie, hein, pour dire que ah, ça c'est des gens qui sont islamophobes, ainsi de suite. Allah al-Musta'an, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui. Inch'Allah. Et demain, on va continuer à partir de ce point-là. pour la suite de la compréhension de notre livre des paroles de Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.